tout le monde, vous écoutez toujours le 89,3 FM CISM. Et c'est maintenant l'heure de Parallèle 49, votre dose hebdomadaire de musique canadienne indépendante et, comme vous le savez, de scène locale. Je m'appelle Tiffany Wong et je serai votre hôte pendant les 90 prochaines minutes. Avis aux oiseaux de nuit, l'émission est aussi rediffusée les dimanches soirs dès 2h du matin, en plus d'être disponible en balado-diffusion sur notre site web parallèle49.blogspot.com. Aujourd'hui, comme toujours, on aura beaucoup de musique pour vous. Jusqu'à 16h, vous entendrez entre autres des pièces de groupe comme The Vicious Kid, Natasha, ou encore The Sunday Sinners. On va d'ailleurs débuter l'émission avec L'Aurore et ses martels, avec Ça me plaît, puis Stars et Toxic Holiday, et finalement Caribou et Pelican Narrows. Tout ça sur CISM 89,3 FM. Thank you. We were tied, we were tired, watching each other sleep. Just your face keeps me awake, my body beats. Be okay while we fade. Misbehave, toxic holiday. Be okay while we fade. Misbehave, toxic. Hey hey, rebonjour tout le monde. Vous écoutez toujours l'émission Parallèle 49 et on a commencé l'émission avec L'Aurore et ses menteurs avec Ça me plaît, Stars et Toxic Holiday et finalement Caribou et Pelican Narrows. On va poursuivre ce vol de la musique punk canadienne avec des pièces un peu plus rock qui vont précéder la pause publicitaire. On va donc y entendre The Creeping Nobodies et Intent, The Inflation Kills avec Bad Wolf et The Morado et Worst Enemy. En passant, si je parle trop vite pour vous, visitez notre site web pour avoir plus de détails sur notre programmation. Voici derrière l'adresse parallèle49.blogspot.com. Si vous avez encore des questions après votre visite, écrivez-moi un courriel à parallèle49@gmail.com. Retournons maintenant en musique sur les ondes du 89,3 FM CISM. Showing me the thong like I'm Cisco. Up in the six, yo. Watch Cisco. Damn, on the sick though. This be the shit though. Gotta make it happen.